franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Frédéric Joliot-Curie, un scientifique engagé, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Thierry Moïse, réalisée par Michel Sidorov. Frédéric Joliot-Curie est mort le 14 août 1958, à 58 ans. Quel fut l'itinéraire de celui qui fut l'un des Français les plus connus de son temps et dans le monde entier? En décembre 1935, il reçoit avec sa femme Irène le prix Nobel de chimie pour la découverte de la radioactivité artificielle. En 1950, il est révoqué du Haut Commissariat à l'énergie atomique. Entre ces deux dates, il y eut la guerre et la résistance, le courage de certains, la lâcheté des autres. Frédéric Joliot-Curie avait fait un choix, celui de résister en restant en France afin de protéger la recherche de son pays. Mais il était communiste et proche des idées de l'URSS. Certains l'ont même accusé de s'être livré à de l'espionnage au profit des soviétiques, eu égard aussi, bien sûr, à la sensibilité de son domaine d'activité. De Gaulle, lui, restera son allié. Avec Frédéric Joliot-Curie, nous n'abordons pas seulement le travail du chercheur, l'engagement politique, mais aussi toute une réflexion sur la responsabilité des scientifiques dans leurs recherches et dans ce que les hommes en font. Il aura dirigé le CNRS, puis le CEA, le Centre d'énergie atomique. Dès sa création, il a été professeur au Collège de France, maître d'œuvre de la première pile atomique française et, sur la fin de sa vie, l'un des promoteurs de l'appel de Stockholm pour l'interdiction de la bombe atomique. Pour comprendre le parcours de ce chercheur brillant et tourmenté, et plus largement évoquer l'histoire de ce couple, Frédéric et Irène, qui ont traversé le siècle et apporté à la France un prix Nobel couronnant une recherche scientifique extraordinaire, nous recevrons en seconde partie d'émission Hélène Langevin-Joliot. Elle appartient à une famille pionnière de la physique nucléaire dont elle est l'une des dignes héritières. Petite fille de Pierre et Marie Curie, fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie, éminente scientifique elle-même, Hélène Langevin-Joliot plaide aujourd'hui pour que la science trouve une meilleure place dans la société. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Frédéric Joliot, de Thierry Moïse. Une réalisation de Michel Sidorov. Le 19 août 1944 commence l'insurrection pour la libération de Paris. Six jours plus tard, le 25, les blindés du général Leclerc entrent dans la ville. À 15h30, les Allemands capitulent et une heure plus tard, le général de Gaulle arrive à son tour. Au même moment, au Collège de France. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Frédéric Joliot ? C'est moi-même, oui. Qui êtes-vous ? Colonel Pache, de l'armée des États-Unis. Je suis chargé par mon gouvernement d'occuper votre laboratoire. D'occuper mon laboratoire ? Mais soyez le bienvenu, colonel. C'est un grand jour pour Paris et pour tous les patriotes français. Asseyez-vous, je vous prie. Merci, monsieur. Ma mission comporte d'autres mesures désagréables. Vous devez vous tenir à ma disposition pour que je puisse vous interroger. Vous ne pouvez pas quitter la ville. M'interroger ? Eh bien, soit, colonel. Pour quelle raison ? Je travaille pour un détachement scientifique de l'armée des États-Unis, placé sous l'autorité de General Groves. Nous enquêtons sur les recherches faites en zone d'occupation nazie dans le domaine nucléaire. Je comprends. Vous pouvez compter sur mon entière coopération. Le général Groves est en réalité le patron militaire du projet américain de construction d'une bombe atomique. Comme tous les responsables alliés, il craint par-dessus tout que les Allemands puissent fabriquer la bombe les premiers et gagner la guerre. La bombe américaine est encore loin d'être prête. Or, les Allemands comptent dans leur rang des savants de tout premier plan, comme Heisenberg et Hahn, tous deux nobélisés pour des découvertes dans le domaine nucléaire. Il est donc absolument vital de savoir où ils en sont. C'est l'objectif de la mission Alsos, dirigée par le colonel Pache. Vous êtes un grand savant, monsieur Joliot. Vous avez obtenu en 1935 le prix Nobel pour la découverte de la radioactivité artificielle. Je l'ai obtenu avec ma femme, Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. Bien entendu. Vous avez occupé d'éminentes fonctions au Collège de France avant-guerre Et votre femme a même été membre un temps du gouvernement du Front Populaire. Oui, elle a été sous-secrétaire d'État à la recherche. Mais sa santé fragile ne lui a pas permis d'y demeurer. Lorsque les Allemands envahissent la France, vous choisissez de rester, alors que les Britanniques vous proposent de passer en Angleterre. Pourquoi ? Il fallait bien que quelqu'un reste pour que la science française continue d'exister. Vous ne pensez pas que le combat contre les Allemands était plus important et que vos compétences dans le domaine nucléaire auraient pu servir à ce combat ? J'ai longtemps hésité, colonel. Mais il me fallait préparer l'avenir. Il fallait continuer à former des physiciens et des chercheurs de haut niveau. Jusqu'à l'arrivée des troupes allemandes, j'ai poursuivi mes recherches. Elles ont directement bénéficié aux Alliés. Que voulez-vous dire ? Vous avez gagné plusieurs années grâce à l'aide matérielle et aux résultats des scientifiques français. Expliquez-vous, monsieur Joliot. En 1935, la découverte qui m'a valu le Nobel ouvrait la perspective de réactions en chaîne qui produiraient d'énormes quantités d'énergie. À ce moment-là, cet objectif semblait encore très éloigné. Mais tout a changé en 1938, lorsque Otto Hahn... L'Allemand ? Oui, il est allemand, mais pas nazi. Quoi qu'il en soit, en 1938, avec Lise Meitner, il découvrit la fission de l'uranium. C'est-à-dire qu'on pouvait casser un gros atome en deux atomes plus petits et produire à la fois beaucoup d'énergie et des neutrons qui vont à leur tour casser d'autres atomes. Avec cette découverte, la réaction en chaîne devenait envisageable. Vous saviez alors à quoi peut conduire la réaction en chaîne ? Bien sûr. Elle peut conduire à la production d'énergie civile, mais aussi à la fabrication de bombes d'une puissance inouïe. Et la découverte de Hahn rendait tout cela possible ? Après d'autres découvertes, comme la radioactivité artificielle. Ce qui changeait avec la fission de l'uranium, c'est qu'on savait maintenant dans quelle direction chercher. Avec la montée du péril nazi, il nous apparaissait évident que nos recherches s'inscrivaient désormais dans un cadre de défense nationale, plus seulement civile. Pourtant, nous étions encore loin de la réussite. Nous avons travaillé encore plus dur. Vous avez obtenu des résultats ? Oui. Nous avons déposé en 1939 toute une série de brevets sur la réaction en chaîne. Compte tenu de leur nature, ils ont été gardés secrets. Que sont-ils devenus ? Lorsqu'en mai 1940, les Allemands ont envahi la France, il a fallu tout mettre en lieu sûr, à commencer par l'eau lourde. L'eau lourde ? Oui, colonel. Il s'agit d'eau très particulière, où les atomes d'hydrogène sont du deutérium. Elle possède la propriété de ralentir les neutrons. Elle est indispensable pour faire des recherches sur le nucléaire. Il était impensable qu'elle tombe aux mains des nazis. Vous en aviez beaucoup ? Oui. J'avais acquis pour la France tout le stock mondial au début de la guerre. 185 kilos fabriqués par les Norvégiens. Je l'ai fait mettre en sûreté en Auvergne, quelques semaines avant l'invasion de la France. Lorsqu'il m'est apparu à la mi-juin 40 que le gouvernement allait tomber et que l'eau lourde pourrait être livrée aux Allemands ou qu'ils pourraient la trouver, je l'ai fait transférer à Bordeaux et embarquer sur un bateau en partance vers l'Angleterre. Vous avez ainsi fait don de votre eau lourde à l'Angleterre ? Oui. Nous avons aussi transmis aux Anglais tous nos brevets. Et j'ai envoyé à Londres mes deux meilleurs collaborateurs, Alban et Kowarski, pour poursuivre les recherches. Bien. Et vous ? Dès cette époque, j'étais convaincu que les Allemands perdraient la guerre et qu'il fallait juste tenir bon en attendant. Je suis rentré à Paris. Mais j'ai limité mes recherches à l'utilisation médicale de la radioactivité. Les Allemands n'ont jamais rien su de nos brevets. Bon. Que savez-vous des recherches nucléaires en Allemagne ? Si elles existent, elles doivent se faire sous la direction de Deppner et Bothe. Si elles existent, vous ne pensez pas que ce soit le cas ? Certains de mes collègues allemands sont dignes de confiance. Gentner et von Weizsäcker sont des anti-nazis. S'il y avait quelque chose, ils l'auraient certainement évoqué. Ainsi, vous faites confiance à des Allemands ? Cela confirme certaines informations que j'ai recueillies à votre sujet. Vous avez été élu aux Académies des sciences et de médecine avec l'accord du gouvernement de Vichy. Étrange, non ? Vous n'avez jamais collaboré ? Jamais, colonel. Mon engagement anti-nazi était déjà public bien avant la guerre. Ces dernières années, il m'a fallu mener une double vie pour garder mon influence et mes fonctions. C'est ainsi que je pouvais au mieux servir la résistance. Et c'est vers elle que je me suis tourné. Depuis 1941, je suis membre du Front National de Libération et j'en suis devenu le président. Dans mes laboratoires, on fabriquait du matériel, des radios, des explosifs. Le Front National de Libération, ce n'est pas un mouvement communiste. C'est l'un des plus importants mouvements de résistance de la zone nord. Nous sommes de nombreux camarades au sein de ce mouvement, mais il comporte aussi des patriotes qui ne sont pas communistes. Mais vous, Joliot, vous êtes communiste. Oui, colonel. J'ai adhéré au parti des fusillés pendant l'occupation. Joliot sera entendu à plusieurs reprises par la mission Alsos à Paris et à Londres. Il rencontre aussi les scientifiques anglais et français qui participent aux recherches alliées. Il en apprend ainsi l'essentiel au désespoir des Américains. Dès lors, il va demander à ses interlocuteurs s'il existe des accords entre les gouvernements à propos du nucléaire et comment la France pourrait s'y associer. En octobre, il est désigné pour diriger une délégation française de la résistance qui doit se rendre aux USA. Il a été choisi par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, et Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin au Conseil national de la Résistance et ministre des Affaires étrangères. Mon général, les Américains n'ont pas laissé Joliot entrer aux États-Unis. Comment cela, Bidault ? Ils n'ont pas laissé l'avion redécoller de Londres. Tout d'abord, ils ont prétexté un problème météo, mais Rapkin, le responsable des scientifiques de la France libre, a contacté la compagnie aérienne. On lui a dit que l'avion ne décollerait pas pour des raisons militaires. La délégation était invitée par le secrétaire d'État au Trésor. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui. Le jour même, les Américains ont demandé à me rencontrer d'urgence. Ils ont voulu savoir pourquoi nous avions choisi Joliot pour représenter la résistance. Je leur ai dit que ce choix était celui du chef du gouvernement provisoire, c'est-à-dire vous-même, et que Joliot était officiellement soutenu par le gouvernement français. Ils l'ont accusé d'être communiste. Je suis sûr que c'est la raison de ce blocage. C'est inadmissible. Les Américains n'ont pas à choisir nos représentants. Il est communiste. Et alors ? Il y a eu un grand nombre de communistes dans la résistance. Qu'en dit Joliot ? Il a subi en septembre une série d'interrogatoires des Américains qui l'ont soupçonné de collaboration. Tout cela l'agace profondément. Ces accusations sont ridicules. Mais elles ne m'étonnent pas de la part des Américains. Le président Roosevelt me prend pour un dictateur, et il y a aussi dans ses services des gens qui m'accusent de travailler pour Staline. Je dois rencontrer Joliot dans quelques jours, il a demandé à me voir. D'ici là, renouvelez-lui ma confiance. Strasbourg est sauvé, et deux semaines plus tard, la poche de Colmar est liquidée. Le 11 février, le général de Gaulle peut venir à Strasbourg pour un tédéum à la cathédrale. Bonjour, mon général. Bonjour, Joliot. Où en sont vos échanges avec les scientifiques alliés ? Mon général, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Les anglo-saxons ont fait fonctionner une pile atomique au Canada après celle de Chicago. Ils ont réussi à provoquer des réactions en chaîne avec de l'uranium. Vous ne croyez pas si bien dire, Joliot. J'ai été informé en juillet dernier par un Français qui participe au projet que les Américains travaillent dans le plus grand secret à la fabrication d'une bombe atomique. J'ai moi-même été tenu à l'écart du projet par nos alliés qui ignorent toujours que j'en connais l'existence. Ça confirme mon impression, mon général. Ils veulent laisser la France en dehors de ces recherches. Je leur ai fait valoir que nous avions le droit d'y être associés, puisqu'elles ont pu démarrer grâce à notre lourde et à nos brevets, sans compter les savants des forces françaises libres qui y ont participé. Rien n'y fait. Or, je pense que la France doit profiter de ces nouvelles techniques. Elles apporteront une énergie nouvelle abondante et la prospérité à ceux qui les maîtriseront. Donc pour vous, la France doit s'engager dans l'aventure du nucléaire. Sans aucun doute. Je partage votre avis. Vous êtes directeur du CNRS et à ce titre, à la tête de la recherche en France. Mais je ne pense pas que le CNRS soit adapté. Étant donné le caractère particulier de ce domaine et le secret qu'il nécessite, il faudra créer un organisme unique qui prendra en charge tous les aspects du nucléaire, y compris la recherche des ressources dans nos colonies et les moyens industriels. Il ne rendra de compte qu'au chef du gouvernement. C'est envisageable, mon général. Mais il devra être dirigé par des scientifiques, pas par des politiques. Cet organisme se chargera des applications militaires de l'atome. Il faudra donc que la défense soit représentée en son sein. Mais naturellement. Bien, Joliot, occupez-vous de cela. Nous en reparlerons. Ces négociations avec les Anglo-Saxons confirment à Joliot que la France est tenue à l'écart. Au printemps 45, il reçoit le général de Gaulle. Il décide de lancer le futur commissariat à l'énergie atomique, ou CEA. Presque au même moment, l'Allemagne capitule et la guerre en Europe prend fin. Au mois d'août suivant, les deux bombes atomiques explosent au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. Tu te rends compte, Irène, de ce que nous avons fait ? Fred, ce n'est pas ce que nous voulions. Non. Quel gâchis ! L'énergie nucléaire doit servir au bonheur de l'humanité, pas à sa destruction. Je n'arrête pas d'y penser. Sans nos travaux, sans nos recherches avant-guerre, ces deux bombes n'auraient pas explosé. Nous n'avons été qu'un engrenage dans ces découvertes. Pourtant, nous en sommes en partie responsables. Nous. Nous. Parmi bien d'autres. Et il nous faudra l'accepter. Le 3 janvier 1946, dans un de ses tout derniers gestes comme chef du gouvernement provisoire, le général de Gaulle nomme Frédéric Joliot à la tête du CEA. Entrez, Joliot. Bonjour, monsieur Bidault. J'ai une mission pour vous. Vous êtes désigné pour siéger comme expert auprès de la délégation de notre pays à la réunion de l'ONU sur l'énergie atomique. Quelle sera la position de la France ? Le gouvernement a adopté un projet de déclaration. Je vous le lis. La France aura pour objectif de favoriser la libre diffusion des connaissances scientifiques à des fins pacifiques et d'éliminer les armes atomiques. Dès maintenant, la France déclare sa volonté de ne pas entreprendre la construction d'armes fondées sur l'énergie atomique. Merci, monsieur le ministre. C'est parfait. Les négociations s'engagent à l'ONU, mais se passent mal. La tension monte entre les deux blocs. Russes et Américains ont des positions inconciliables sur l'arme atomique. En juin, Joliot déclare « Si les négociations internationales échouent, les savants qui s'occupent de l'énergie nucléaire ne devraient pas continuer leurs travaux. » Qu'est-ce que ça signifie, Joliot ? Vous allez quitter le CEA ? Non, monsieur le ministre, puisque les recherches de la France n'ont pas de visée militaire. À la bonne heure. Vous avez progressé à l'ONU ? Non, la méfiance règne. On s'oriente vers une course aux armements. Vous savez que les Américains ont fait exploser de nouvelles bombes sur l'atoll de Bikini ? Bien sûr, une provocation. J'ai demandé à l'ONU si la délégation américaine accepterait l'interruption de la fabrication des bombes pendant les négociations. Son président a refusé. Je ne vois pas de solution pour concilier les points de vue russes et américains. Faites au mieux, Joliot. Bon courage. À l'ONU, le plan Baruch pour le contrôle des armes nucléaires est adopté. Mais sans l'URSS, c'est la guerre froide. Qu'est-ce que tu comptes faire, Frédéric ? Je ne vais pas rester inactif, Irène. Je vais militer. Tu sais, les savants ne sont pas une petite élite détachée des contingences pratiques. Nous devons nous préoccuper de l'usage qui est fait de nos découvertes. Je suis le président de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques. Nous serons un pont entre l'Est et l'Ouest. Et en France, pour tes recherches, tu n'as pas peur qu'on te demande de fabriquer une bombe ? Pas de danger. Avec le manque d'argent, on avance si lentement ici qu'on est encore loin d'avoir à se poser la question d'en faire une. D'ailleurs, au CEA, le général Dassault a approuvé ma position, disant que la France a tout intérêt à voir interdit l'emploi de la bombe atomique. Pourtant, malgré les difficultés, le CEA grandit. Les problèmes techniques sont résolus, les approvisionnements en matières premières sont assurés. En juillet 47, l'équipe de Joliot décide de construire une pile à uranium en France, qui ne délivrera pas de puissance. Ce sera un simple instrument de recherche, mais elle produira du plutonium français. Son nom, Zoé. Allô, oui, Irène Joliot-Curie à l'appareil. Irène, ça y est. Zoé a démarré. La France est une puissance nucléaire. Nous avons réussi. Oh, c'est magnifique, Frédéric, magnifique. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Kovarsky a rempli d'eau lourde la cuve contenant l'uranium. Les compteurs ont commencé à crépiter. Oh, tu aurais dû voir ça. Les aiguilles ont dévié de plus en plus. La réaction divergeait. C'était gagné. J'ai envoyé un télégramme au président de la République. Il viendra dans quelques jours au fort de Châtillon pour visiter la pile. Ce jour-là, un journaliste américain qui lui demandait « Quand aurez-vous la bombe atomique ?» Joliot répond « Jamais. » Car nous ne cherchons pas à l'avoir. À Paris, le 35e salon de l'automobile a été inauguré par M. Vincent Auriol, président de la République, dont la première visite a été pour ceux qui, comme Franet... Ces hommes, ce sont les mineurs, tout demandé et qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui ont traversé la guerre des nazis, les combats de 44 qui firent plus proche la victoire. Une véritable révolution a été provoquée dans le domaine du véhicule économique par Citroën, qui présente un modèle de conception pour le moins original. Peut-être verrons-nous demain ces véhicules circuler sur nos routes. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Lors de sa visite, le président Vincent Auriol aura ce mot. Voilà une découverte qui va ajouter au rayonnement de la France. À propos de Joliot, il déclare qu'il est irréprochable. Pourtant, les adversaires du savant ne désarment pas. Les journaux mettent en doute son patriotisme et insinuent qu'il livre des secrets à l'URSS. Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à cette accusation particulièrement calomnieuse et offensante que je voudrais répondre. Un communiste français, comme n'importe quel autre citoyen français, occupant un poste que lui a confié le gouvernement, ne peut honnêtement communiquer à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, des secrets qui ne lui appartiennent pas. Je ne pensais pas que ma déclaration ferait tant d'effet. Tu as vu ça, Irène? L'humanité n'a presque rien dit le lendemain. Et aujourd'hui, le parti me désavoue. Le bureau politique m'accuse de titisme pour avoir commis l'erreur d'assimiler l'URSS, patrie de tous les travailleurs, à une puissance étrangère quelle qu'elle soit. Ils ajoutent, un communiste ne doit pas avoir de secret pour l'URSS. Tu te rends compte? Mon pauvre Frédéric, ce n'est pas tout. Hier soir, Jacques Duclos, l'adjoint du secrétaire général, a déclaré publiquement qu'un communiste ne considère pas l'URSS comme un pays étranger semblable aux autres. Il a insisté. Chaque homme de progrès a deux patries, la sienne et l'Union soviétique. C'est inacceptable. Tant pis pour eux, je vais faire une déclaration. Je réaffirme sans équivoque mes propos. Est-ce que tu vas tenir le choc? Tu es fatigué, énervé. Tu as maigri. J'étais attaqué à droite, maintenant je suis attaqué à gauche. Mais tu sais, j'ai du courage à revendre. Et puis, tu es là. Heureusement. Pas autant que je le voudrais, Frédéric. Je dois si souvent te laisser seul pour partir à la montagne soigner ma tuberculose. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas les laisser faire. Je continue mon travail sur la nouvelle pile. Ça, au moins, ça restera pour les hommes en général. L'époque est dominée par la peur d'une guerre nucléaire. Joliot devient président du Congrès mondial pour la paix créé par le Parti communiste russe. Au même moment se déroule le procès Kravchenko, qui a révélé la vérité sur la dictature stalinienne et ses goulags dans son livre « J'ai choisi la liberté ». Joliot fait partie de ceux qui le considèrent comme un traître. Il prend même parti pour Lysenko, qui est en train de tuer la recherche russe au nom de la dénonciation d'une science bourgeoise. Bref, en cette fin d'année 49, il s'inféode à l'URSS. Mais lorsqu'elle fait exploser sa première bombe, il continue à militer pour son interdiction. Messieurs, pour clore ce plénum du Congrès mondial, faisons ce triste constat. L'hystérie de l'armement à outrance conduit inexorablement à la guerre qu'elle prétend éviter. La mise hors la loi de la bombe atomique s'impose. Tu as l'air soucieux, Fred. Oui. Je m'inquiète de ce que nous allons faire de notre pile. Nous avons extrait nos premiers milligrammes de plutonium. La France peut maintenant faire des recherches pour fabriquer sa propre bombe. Mais Fred, ça ne se fera pas si tu ne le veux pas. C'est toi qui diriges le CEA. Rien de temps encore. Allô ? Joliot à l'appareil. Bonjour Joliot, c'est Bidot. Bonjour Monsieur le Président du Conseil. J'ai voulu vous avertir moi-même, Joliot. Le président Truman a décidé, en réponse à l'explosion de la bombe russe, de lancer la fabrication d'une bombe à hydrogène. Mais c'est impossible. Ni Einstein ni Oppenheimer n'ont réussi à l'empêcher. Non, c'est fait. Quelle tragédie. C'est l'arme de l'apocalypse. C'est la destruction de l'humanité tout entière qui devient possible. La bombe à hydrogène, c'est des centaines, des milliers de bombes atomiques en une fois. Je voulais que vous le sachiez. Il va certainement y avoir des demandes chez nous pour que la France se dote elle aussi d'armes nucléaires. Je ne l'accepterai jamais, Monsieur le Président. Je sais, Joliot. Comme je sais tout ce que nous vous devons. Je subis des pressions incessantes de la part des Américains, mais aussi en France, pour vous remplacer à la tête du CEA. Je ne l'ignore pas, je vous remercie de votre confiance. Devant l'urgence de la situation, le Congrès mondial, présidé par Joliot, décide d'avancer d'un mois la réunion de son comité mondial. Elle se tiendra le 15 mars 1950 à Stockholm. Et c'est pourquoi nous vous proposons le texte de cet appel destiné à être signé par tous les hommes de bonne volonté dans le monde. Nous exigeons l'interdiction absolue de l'arme atomique, arme d'épouvante et d'extermination massive des populations. Nous exigeons l'établissement d'un rigoureux contrôle international pour assurer l'application de cette mesure d'interdiction. Ce sera un honneur pour moi d'en être le premier signataire. L'appel de Stockholm recueillera 150 millions de signatures dans le monde, dont 14 millions en France. En attendant, 15 jours plus tard, lors du congrès du Parti communiste français, le secrétaire général Maurice Thorez prononce un discours à la gloire de Staline. Joliot monte à la tribune. C'est par dizaines de millions de morts, par d'immenses destructions matérielles que se chiffrerait le bilan d'une guerre atomique. Mais nous savons que l'Union soviétique n'emploiera jamais la bombe atomique la première. Combien sont heureux les scientifiques qui travaillent en Union soviétique. Ils ont la conscience tranquille et ils savent que leurs résultats serviront à coup sûr à améliorer la condition humaine et la liberté. Je songe à tous ces hommes nouveaux qui ont déjà sauvé le monde et qui sont l'espoir du monde. C'est pourquoi jamais les scientifiques progressistes, les scientifiques communistes, ne donneront une parcelle de leur science pour faire la guerre contre l'Union soviétique. Entrez. Ah, vous voilà. Asseyez-vous, Joliot. Merci, Monsieur le Président du Conseil. J'ai dû prendre une décision qui m'est personnellement pénible, Joliot. Vous serez révoqué à la tête du CEA lors du prochain Conseil des ministres. Je vous devais de vous l'annoncer moi-même. Je comprends, Monsieur le Président. Que va devenir le CEA ? Ne vous inquiétez pas. Je vous garantis personnellement qu'il ne manquera pas de moyens. Merci. Pourquoi, Joliot, pourquoi ? Vous auriez pu rester à la tête de ce CEA que vous avez créé. Mais cette déclaration qui contredit les principes de l'État. Vous vous êtes sabordé. Je suis si fatigué, Monsieur Bidot. Si là, ces bombes. Ce n'est pas pour ça que j'ai tant travaillé. Je sais, Joliot. Je vous plains et je vous respecte. Ni la France ni moi n'oublierons tout ce que vous avez réalisé. Frédéric Joliot continuera à servir, notamment en prenant en charge le nouveau laboratoire de physique nucléaire d'Orsay à la mort d'Irène. Il mourra en 1958 sans avoir vu la France fabriquer sa première bombe atomique. Le pays, à nouveau dirigé par le général de Gaulle, lui fera des obsèques nationales. Il repose près d'Irène. C'était Frédéric Joliot de Thierry Moïse. Avec Frédéric Joliot, Olivier Cruveillet, Irène Joliot-Curie, Evelyne Guimara, le colonel Pache, Alain Wenger, Georges Bidault, Pierre Forest, le général de Gaulle, Luc Sandrier, narrateur, Marc-Henri Boisse, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Lidvine Caron, assistante à la réalisation, Lee Torquia, réalisation, Michel Sidoroff. National de la recherche scientifique, je voudrais vous dire quelques mots sur cet organisme et nos projets. Nous voulons que des hommes ayant pour unique intérêt le développement de la science, de ses applications utiles à notre pays, participent effectivement à la direction. Nous nous préoccupons dès maintenant de constituer des équipes de chercheurs qui participeront à l'effort scientifique de guerre, comme le font déjà depuis 4 années chez nos alliés beaucoup de nos chers camarades français. Parmi ceux qui déjà travaillent à cette nouvelle organisation, beaucoup ont lutté côte à côte à l'intérieur des organisations de résistance. Cette lutte leur a appris à coordonner leurs efforts, à agir avec discernement et courage dans des conditions alors très difficiles. Ils continueront à travailler unis, avec le même esprit, dans le pays libéré, et c'est là, je crois, une garantie de succès. Un ami d'un grand pays allié me disait récemment: c'est la science qui nous donne la victoire sur les puissances du mal. Je me suis permis d'ajouter, c'est la science qui, après la victoire, maintiendra fermement la paix. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Frédéric Joliot, un scientifique engagé. Notre invité, c'est Hélène Langevin-Joliot, la fille de Frédéric, et Irène Joliot-Curie. Bonjour, Hélène Langevin-Joliot. Bonjour. Alors, on va commencer par parler de votre famille, si je voulais faire un peu d'humour, et après tout, pourquoi pas. Bah, vous êtes issu d'une famille en or, hein, si je puis dire, avec des grands-parents célébrissimes, des parents qui ne le sont pas moins, et vous, dans la même voie, des scientifiques, des chercheurs. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire, déjà, de votre famille ? Si on parle de Frédéric Joliot, j'ai tout de suite envie de vous dire, il est sorti d'une famille qui n'avait rien au départ pour l'orienter vers la science. Une famille, bourgeoise, rentière, un petit peu, fin de 19e, une grande famille, beaucoup d'enfants, lui le petit dernier. Et dans cette famille-là, les enfants étaient plus tournés vers, théâtre amateur, la peinture, des choses comme ça. Et au bout du compte, eh bien, comme c'est arrivé à beaucoup de familles de cette époque, les rentiers sont petit à petit été ruinés au fil de la guerre de 14 et autres. Et de toute façon, le jeune Joliot, il fallait trouver quelque chose qui l'intéresse. Comme au lycée, où il n'était pas exceptionnel du tout, ni dans un sens ni dans l'autre. Il aimait la chimie, il aimait le football. Il a choisi la chimie quand même. Et il a quand même choisi la chimie, il est rentré à l'école de physique et chimie avec l'idée, en fait, de rentrer dans l'industrie, bien sûr. Alors, tout de même, on a trois générations comme ça de chercheurs reconnus. Est-ce que vous parleriez, vous, de déterminisme ou de passion ? Est-ce que finalement, on arrive, et à la troisième génération comme vous, à choisir en fonction de ses propres goûts ou en fonction d'un déterminisme familial et professionnel, pour le coup ? Dire que la famille dans laquelle on vit, les choses dont on parle dans la famille, n'ont pas d'influence sur un adolescent, ce serait totalement faux. Bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est sûr que, et mon frère et moi, on a vécu dans une famille dans laquelle il y avait d'autres personnes que uniquement des scientifiques qui allaient, venaient en tant qu'amis. Et surtout dans lequel on voyait des parents très intéressés par ce qu'ils faisaient et où on n'avait pas l'impression que c'était la course. Allez, pour être franche, la course qu'au prix Nobel. Voilà. Et vous les sentiez heureux. On faisait de la recherche parce que ça leur faisait plaisir. Voilà, cette notion de plaisir est importante. Voilà. Être dans la transmission. Ce qui fait que, vous pensez bien que si on avait vécu dans un milieu, il faut que tu réussisses parce que, etc., etc., être digne de ta famille, jamais, jamais on n'aurait choisi ça, ni mon frère, ni moi. Madame Angevin Joliot, est-ce que je peux dévoiler votre âge ? Oh oui, c'est permis. Pas pour le simple plaisir de dévoiler l'âge, mais parce qu'il y a une question qui vient juste après. 88. Et vous possédez toujours un bureau, laboratoire de physique nucléaire d'Orsay. Vous avez fait toute votre carrière. Donc, je veux dire, ça ne s'arrête jamais la recherche ? C'est la définition même de la recherche ? Si, la recherche pour moi s'est arrêtée, je dirais il y a 7-8 ans en tant que recherche proprement dite. Je vais encore de temps en temps au laboratoire, je dirais comme base de réflexion sur des problèmes qui touchent la recherche et la culture scientifique de manière un peu plus générale. On me demande par exemple de parler lors de la réunion où on donne les diplômes de doctorat, on me demande des choses de ce genre, d'être en contact avec des plus jeunes, Mais si je reviens à Frédéric Joliot quand même, si je regarde dans sa trajectoire, il y a un homme qui a joué le rôle décisif pour le faire basculer en définitive de son projet de rentrer dans l'industrie. Il a rencontré Paul Langevin, qui était un professeur, un grand physicien, et en même temps un professeur qui lui a fait aimer la physique et les questions nouvelles qui s'y posaient, qui l'a fait aussi prendre conscience d'un certain nombre de problèmes sociaux qui se posaient à l'époque. Donc il a été extraordinairement influencé par là, et donc il a voulu basculer par la recherche, et c'est encore Langevin qui lui a donné cette possibilité, puisqu'il est rentré comme préparateur auprès de Marie Curie, sur le conseil de Langevin. Hélène Langevin-Joliot, parlez-nous un peu de votre père et de peut-être son trait de caractère qui vous vient comme ça à l'esprit, le plus naturellement. il y a un trait de caractère qui sautait aux yeux des gens qui le rencontraient. Il faut dire qu'il était, d'une certaine façon, parfois, un incorrigible bavard. Or, contrairement à ce que cette situation implique d'habitude, c'était une des personnes que je connais le plus capable, en fait, d'écouter ce que les autres avaient à lui dire. Et non seulement d'écouter, mais de, quand il l'utilisait ensuite, de rendre à chacun ce qu'il lui avait apporté. Un tel m'a donné telle idée. Quelle honnêteté ! Ça explique que dans ses relations, il aimait convaincre et que très souvent, il avait d'excellentes relations, y compris avec des gens qui étaient complètement à l'opposé de ses manières de voir sur toute une série de sujets. Frédéric Joliot-Curie, c'est aussi un engagement intellectuel, c'est un engagement politique au sein du Parti communiste français. Est-ce que c'était conciliable avec son engagement pour la paix, de surcroît, dans un domaine aussi sensible que le nucléaire? Quand on dit nucléaire, évidemment, après on pense nucléaire militaire, guerre froide, URSS, Parti communiste. C'est quand même un contexte compliqué. Un contexte très compliqué, et puisque vous parlez d'engagement, Frédéric Joliot a été engagé avant la guerre contre le fascisme, comme pas mal de ses collègues dans l'université, mais je dirais de ce point de vue pas plus que certains autres. C'est l'époque de la résistance qu'il a fait s'engager dans la résistance, et il se trouve que c'était dans la résistance au départ avec des membres du Parti communiste, et c'est comme ça qu'il y a adhéré. C'est vrai que la période de la guerre froide, et particulièrement pour les scientifiques, et particulièrement pour un scientifique dont les travaux étaient pour une part, pas les seuls bien sûr, à la base de l'exploitation de la fission nucléaire. À des fins militaires. Possiblement dans son esprit à des fins militaires, mais d'abord pour faire des réacteurs, en fait. De l'énergie, bien sûr. Il est bien évident que ça posait un problème énorme. Si vous voulez, comme dans la famille, il y a eu la période de l'immédiate libération, après libération, d'une grande période d'euphorie, où les scientifiques, pas seulement en France, ont tous été frappés par leur nouvelle responsabilité par rapport à l'usage des découvertes. Ça, c'est la forme que disait mon père, mais il n'était loin d'être le seul. C'est l'époque Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, l'initiative de cette fédération. Ce sont les Anglais, physiciens anglais et les physiciens français. Il n'y avait pas les Soviétiques au départ. D'ailleurs, oui, c'est votre père qui avait pris l'initiative. Alors, c'était en décembre 1954. Il lance avec Bertrand Russell, un philosophe anglais libéral, et Einstein, qu'on ne présente plus, une conférence internationale pour la paix et les risques de la course aux armements. Donc, finalement, votre père a été jusqu'au bout un fervent défenseur de la paix. Il a été jusqu'au bout, mais si vous me permettez juste pour rattraper après cette période. On est en 1948, c'est l'explosion de la guerre froide. Là, c'est l'action pour la paix dans laquelle se mélange la part que les Soviétiques ont prise dans sur le mouvement de la paix mondiale. Ils avaient un rôle très important. Okay. Après la révocation de mon père, et à ce moment-là pratiquement, il y a eu le lancement de l'appel de Stockholm qui demandait à la fois arrêter la bombe et contrôler. Absolument. Bon. Et puis, une période que je qualifierais, de purgatoire. Joliot-Curie n'avait pas trop droit à la parole. Pas trop droit à la parole, à cause de son appartenance. Absolument, absolument. Mmh. Le clivage, c'était ou l'un ou l'autre. Oui. Il était admiré, aimé par les uns, détesté par d'autres. Voilà. Et c'est le moment où, effectivement, des voix différentes qui avaient pris des positions parfois très opposés, se réunissent pour reprendre un nouveau langage. Mmh. Et le nouveau langage, il est celui de Russell, d'Einstein et de mon père en 54-55. Très bien, Hélène Langevin-Joliot. On va se retrouver dans quelques minutes pour continuer cette discussion passionnante, à la fois sur un homme et sur une famille. Il la remercie de l'avoir accompagné à la guerre. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tout ses journaux, ses cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours. Et retourner dans notre cœur. Attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Ah, il espère que c'est un fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là là. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il écrit encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Hélène Langevin-Joliot, on se retrouve donc pour parler de votre père, votre famille et de vous-même. Parce que finalement, votre famille a une grande tradition militante, engagée, avec une vraie conscience politique et une conscience de la matière qu'ils ont travaillée. Hein. Et est-ce que vous avez aussi, vous, une tradition militante? Est-ce que vous êtes construite de ce bois dont on fait les gens qui ont conscience politique? Bon, c'est vrai que... Oui, oui, j'étais et je suis encore, d'une certaine manière, quand je le peux, un peu militante. Mmh. Je résume ça en disant, oui, j'ai perdu un certain nombre d'illusions. Bon, je vois certaines choses avec plus de réalisme que je les voyais quand j'avais 25 ou 30 ans. Mais je dis toujours, j'ai toujours envie de changer le monde. Mmh. Je ne suis pas toujours très sûre comment il faut faire, je suis plus souvent sûre de comment il ne faut pas faire. Et je dirais quelque chose qui se rapporte quand même aussi à la science. Et c'est une chose que mes parents, et l'un et l'autre, sous une forme différente, disaient tous, que la science était une des activités humaines qui démontrait le plus l'importance du travail collectif. Et pas seulement dans un petit cercle, ni dans une nation, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, quand je vois la manière dont on utilise la science, je me dis, on essaye trop de l'utiliser, je dirais, A contre B, B contre C pour aller plus vite que l'autre. Fondamentalement, si on regarde sur l'ensemble de la planète, bon, on est à la veille de la COP21, on n'est qu'une seule espèce. Et si on n'est qu'une seule espèce, eh bien, plus que jamais, on est amené à se dire qu'on a des intérêts particuliers, mais que l'intérêt général de l'espèce doit l'emporter, qu'il faut donc trouver des solutions. Et pour qu'elles soient réalistes, il faut aussi qu'elles prennent en compte les difficultés des uns et des autres. C'est évident que les pays déjà développés, les pays comme la Chine et d'autres peuvent valablement leur dire « Écoutez, vous avez laissé partir sans compter, etc. Et maintenant, nous voulons aussi nous développer. » Eh bien, c'est vrai. Il n'empêche qu'il faut trouver les solutions parce que, on n'efface pas le passé. Puisqu'il nous reste une ou deux minutes, on va faire un détour par une autre conscience, qui est la conscience féministe. Alors, on ne l'appelait peut-être pas comme ça à cette époque, mais votre grand-mère a eu un statut de modèle d'émancipation féminine. On a confié, elle s'est appropriée des thèmes et des matières extrêmement importantes, de grandes responsabilités. Est-ce que ça a été une première figure du féminisme naissant, votre grand-mère ? Il y a d'autres figures, mais oui, c'est vrai qu'en science, Marie Curie est un vrai porte-drapeau légitime. Ça va parfois un petit peu trop loin, parce qu'il ne faut pas tourner à l'icône, il ne faut pas tourner à la statue. Bien sûr, mais enfin quand même. Pas tourner à la statue, c'est pas. Ouais, d'autant bon. Plus qu'elle a répondu à certains qui commentaient sur son travail. J'ai été plus gênée par le manque de moyens que par le fait d'être une femme dans ma recherche. Elle n'était pas une militante, mais elle n'a jamais hésité à jouer un rôle d'exemple. Et qu'elle l'ait voulu ou non, sans chercher spécialement à le faire. Vous soulignez que, j'ai lu ça, que vos grands-parents n'ont pas tout sacrifié à la science et que la famille, c'était important. Ah oui, là, la phrase sur Marie Curie en particulier, sacrifiée à la science, c'est totalement contraire à la réalité. Sa vie a été dans la science, mais pas que dans la science. On se fait parfois une idée totalement fausse de la vie de ces savants d'autrefois. Et je suis obligé de dire que moi-même, j'ai pris des vacances, des périodes, etc. Mais j'en ai pas pris plus que les parents, peut-être moins que les parents et les grands-parents. Et certainement beaucoup plus que les jeunes chercheurs que je vois travailler aujourd'hui. Et bien voilà qui est rectifié. Toute dernière chose, Hélène Langevin Joliot, vous auriez aimé être historienne. Je dis ça parce que vous parlez de l'histoire contemporaine avec passion, sans que ça vous intéresse. Ouais. Vous auriez aimé ça ? Oui, parce que c'est vrai que pendant mes études, d'un côté, j'étais la bonne élève classique, y compris en sport, chose très importante dans la famille. Eh bien, j'ai été poussée par mon goût vers la physique, la science, mais l'histoire me passionnait à l'époque et j'aurais pu choisir une carrière de ce genre. Bon, on n'échange pas, parce que je sais ce que vous auriez pu donner à l'histoire, mais je sais ce que j'aurais pu ne pas donner, c'est rien, à la recherche nucléaire et physique. Merci beaucoup, Hélène Langevin-Joliot. Ouais. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Frédéric Joliot-Curie, un scientifique engagé. Une fiction écrite par Thierry Moïse, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard et Julien Chabassu.